بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كورن مهدوز طغب يوسف عبد الله العادي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجمع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة نعم الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم صلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويسر العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد، لتلتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مغفرانه والبر. والنية شرط للسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، ودين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد وارتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر ناباه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين. نعم، هذا كذلك أخذنا: والأصل في مياهين الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه الأبيات التي سبقت معنا البيان سسون لذا كنا في بخام جسكا بخزر دفل قاعدة كنا في بوار مخدي دارني. C'était celle qui était Naham Al-Yaqin La Yuzeluhu Al-Shak. Al-Yaqin La Yuzeluhu Al-Shak. Qui peut nous expliquer en quelques mots cette qaïda-là? Quand une certitude et un doute ou une présomption s'oppose, on se fonde sur la certitude. Naham. C'est en gros, sur ce quoi repose cette qaïda-là. Lorsqu'un doute et une certitude viennent s'opposer, tu fais précéder quoi? La certitude, tamam. On a pu évoquer pour cela des adillah min al-kitab wa sunnah kadhalika min al-aql, tamam. Amma kitabullah subhanahu wa ta'ala fa qulu subhanahu wa ta'ala inna ba'd adh-dhann ithm wa kadhalika inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Tamam. C'est-à-dire le doute ou bien l'erreur ne vaut rien face au haqq, qui est la certitude, tamam. La certitude. Kadhalika min as-sunnah حديث الذي الرجل الذي اشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه شيئا في الصلاة يخيل إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يجد ريحا أو صوتا أو ريحا. النبي صلى الله عليه وسلم pour la personne qui est venue se plaindre car on le laissait, le shaitan le laissait pensait qu'il avait perdu le wudu, tamam, un Nabi Sallam l'a dit, il ne sort pas de la prière qu'à partir du moment où il a entendu un bruit ou bien qu'il a senti, tamam. Donc yani, il base sa prière sur quoi? Sur la certitude qui est quoi? At-tahara. Il est rentré dans la prière avec tahara. Il ne peut pas en sortir de cette prière-là et dire qu'elle annulait que par la certitude, tamam. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فالرجل الذي يخيل في صلاته تام يوسوس إليه الشيطان في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلى حتى نسي صلى كذا وكذا أربعة أو ثلاثة وأربعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على ما استيقنه فليترح الشك ويبني على ما استيقنه. La personne qui arrive à un stade dans la prière où il ne se rappelle plus de combien d'unités de prière elle a prié, Nabi Sallam l'a dit, il se base sur la certitude, tamam. Il délaisse le doute et il se base sur la certitude. Et qu'à l'égard, comme on a pu évoquer à travers la parole du Cheikh Al-Bassam, rahimahullah ta'ala, al-aql, qu'à l'égard, yadoul ala hadil qa'ida, tamam. Car il a dit, yani, la raison fait que les gens, ils sont tous unanimes que la certitude, elle est beaucoup plus forte que quoi, que le doute. Donc comment faire prévaloir le doute à la certitude, tamam. Donc ces trois arguments, sont les causes et plutôt les preuves de la véracité de cette qa'ida là. Quelle est la catégorie de cette qaida là? C'est une kulliya, c'est... Elle n'est pas kulliya, elle est mustanbata, elle n'est pas mustanbata. Min ayy nou' min al-qawa'id hiya? Kulliya, mustanbata, naam. Kulliya, car elle ne souffre pas d'exception. Chaque fois que tu trouveras la certitude, tu la fais précéder et prévaloir à quoi? Au doute, naam. Wa mustanbata, car ce n'est pas l'énoncé d'une aya ou bien d'un hadith, naam. Ça a été déduit des textes qu'on a pu citer. On avait cité Kadalika min bab al-fayda que plutôt avant cela, la certitude lorsqu'on dit la yazilu ash-shak al-yaqin, le doute n'est pas prévalu sur la certitude. On a pu voir que ce qui est voulu par le bil yaqin, c'est ma tatma'inu ilayhi nafs, c'est la chose dont ton nafs il a pesé, à y croire. Et on a pu voir Kadalika que lorsque tu n'as pas le moyen d'être sur une certitude dans une chose, t'as même, il y a une autre chose qui peut prendre la place de la certitude, qui se rappelle quelle est cette chose-là. T'as même la force présomption, t'as même, la force présomption, t'as même. Donc, lorsqu'on dit la yuzil, ash-shak al-yaqin, ay, al-yaqin wa ma kana fi ma'na, t'as même. La yaqin est ce qui est dans le même sens de la yaqin, lorsque tu n'as pas la capacité d'être certain sur une chose, t'as même. Donc, là, qu'à l'écart, la force présomption ne peut pas être, ou plutôt le doute ne peut pas être prévalu sur la forte présomption. Tamam. Quel est le dalil qui nous montre que tu as le droit d'utiliser la forte présomption lorsque tu n'es pas certain? Quand ils ont prié avant le coucher du soleil, hadith Aïcha. Hadith Asma, lorsqu'ils ont rompu le jeûne. Tamam. Lorsqu'ils ont rompu le jeûne, fil Bukhari. Ils ont rompu le jeûne, dans un jour il y avait des brouillards et la khairi, tamam. Donc ils n'étaient pas vraiment sûrs que le soleil s'était couché. Ils pensaient que le soleil s'était couché. Et quelques heures après, tamam, quelques instants après, le soleil, il est apparu que le soleil n'était pas couché. Donc là, dans ce hadith-là, comme l'ont évoqué les ulama, tamam, ils ont déduit que tu peux t'appuyer et baser tes fondements dans la religion, tamam, sur la forte présomption à partir du moment où tu n'es pas sûr, tamam. Et là, c'est un dalil, tamam, c'est un dalil qui nous prouve cela. Tamam, donc les ahkam fi l'islam, tamam, tarji' comme a dit le cheikh, wa tarji' l'ahkam lil yaqini. Les jugements dans l'islam, ils sont relatifs, ils sont basés sur quoi? La certitude ou bien sur la forte présomption. Amal le doute, les erreurs et l'akhiri, ce sont des choses sur lesquelles ne sont pas basés les jugements dans l'islam, ou les choses qui sont relatives aux affaires islamiques. On a vu évoquer Kadal et on a pu évoquer Mimbab al-Faïda, puisqu'on a vu qu'on parle de la forte présomption qui est en arabe, Avvan, Avvan al-Ghalib. On a pu voir que dans le kitab, Avvan, il peut être utilisé et employé pour plusieurs sens. Qui peut nous citer les sens du terme Vanna fil Islam? Quel sens il peut avoir? Naam, mashallah, barak. La présomption, 4, la certitude, la présomption, le doute et l'erreur. Qui se rappelle du dalil de la certitude? On va les citer plutôt directement, puisque sinon ça va prendre un peu de temps. Tamam, la certitude, qulu subhanahu wa ta'ala, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ceux qui pensent qu'ils vont rencontrer Allah azza wa jalla, le ma'ruf, al-aqida la taqbal illa al-yaqin. Tamam, il n'y a pas de ghalabat al-dhann. Tu ne peux pas avoir une forte présomption que tu vas rencontrer Allah azza wa jalla. Ça, c'est du kufr. Tamam, c'est pas d'iman, ça, c'est du kufr. Tu dois être sûr. Tamam, donc là, c'est utiliser quoi? Le terme dhanna pour la certitude. La forte présomption, comme dans ayatun, التراجع تمام الرجعة. قال الله سبحانه وتعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. Ils ont une forte présomption que si jamais ils se remettent ensemble, ils vont s'acquitter des droits d'Allah Azzawajal les uns vers les autres. Le doute, mithluhu qawlu subhanahu wa ta'ala, inna dhanna illa dhanna wa ma nahnu bi mustayqinin. Dans lequel ceux qui pensaient qu'ils n'allaient pas retourner vers Allah Azzawajal. Ils ont dit, on pensait que des pensées. Wa ma nahnu bi mustayqinin. On n'était pas sûr. Donc là, awwan huna. Il a été lui-même expliqué par la ayah qui vient juste après, ou plutôt le texte juste après. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Et ça, c'est chèque. Et l'erreur, قَلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٍ. Certaines des pensées sont un péché. Et quand elle a dit, قَلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ إِنَّ الظَّنِ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Les pensées ne valent rien face à la vérité. Donc ça, c'est le terme ظَنَّ. Dans l'islam, il est évoqué pour ces quatre choses-là, comme l'ont évoqué les ulama du usul. Qu'est-ce qu'on avait pu évoquer, quatre cas par rapport à cette qaïda-là? On va citer un exemple, histoire de tabak la qaïda. Celui, on va citer l'exemple, il y en a tout bête. Celui qui rentre dans la salat, bil yaqin annahu ash tatahhar. Il rentre avec la certitude qu'il est rentré avec la tahara. Soma shaitan, il est waswas. Il sort de la salat ou pas? Il sort pas. Kadalika, par rapport à la qaïdala. Un exemple. Celui, mathalan, qui s'est levé, après le fajr. Il s'est levé après le fajr. Il a prié. Et il a fait une qiloula, il a fait ce qu'il avait à faire dans la journée, Et ensuite, au dhahr, kadalika, il est parti se coucher. Quand il s'est levé du dhuhr, il a vu que il y a du mani qui est sorti, il y a du mani qui est sorti. Lakin, il a un doute, il a un doute. Est-ce que c'est le mani dans la salat quand il s'est couché avant le fajr, ou bien celui avant le dhuhr? Est-ce qu'il doit recommencer la prière du dhuhr et du fajr, ou il recommence juste le fajr ou juste le dhuhr? C'est quoi le tafsir? C'est-à-dire, là c'est sûr, biyakin que kharaj al-mani. Là qui il a un doute. Là il a un doute. Est-ce que c'est quoi après le fajr? Qu'il est sorti le mani ou bien c'était après le dhuhr? Il a un doute. Non, mais il a une preuve qu'il est sorti le mani. Là qui il a un doute. Est-ce que c'est avant qu'il ait le fajr, lorsqu'il a dormi avant le fajr, ou bien lorsqu'il a dormi avant le dhuhr? Est-ce qu'il doit recommencer les deux prières? Là, on parle d'un bab al-ilzam. Avant le dhuhr, avant le fajr. Il s'est couché, il a dormi avant le fajr, il s'est levé, il a fait la prière, il n'a pas fait attention. Il est parti à la prière, il a fait ses wudu, ses ablutions, il a khiri. Et après le dhuhr, il a vu qu'il y a quelque chose qui était sorti. Lakin, il ne sait pas, il a un doute. Est-ce que c'est avant le fajr que c'est sorti, ou bien après le dhuhr? Parce qu'il a fait un rêve pendant, on va dire, il a fait un rêve au fajr, il se dit peut-être qu'il s'est sorti après le fajr, j'ai pas fait attention. Non, parce qu'il a la certitude qu'il avait ses ablutions avant les deux salats. Non, attends, l'exemple, alors je l'ai mal exposé. C'est après la salat, après la salat de dhuhr, il se rend compte qu'il y a du mani qui est sorti. Après qu'il a accompli la salat de dhuhr, il a du mani qui est sorti. Il a vu plutôt, c'est pas le mani qui est sorti, mais il a vu qu'il avait du mani. C'est pas pendant qu'il priait, c'est-à-dire quand il dormait. Là, qui a un doute? Est-ce que c'est quand il a dormi avant le dhuhr ou lorsqu'il a dormi avant le fajr? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit recommencer le fajr? Le dhuhr, la chaque kafi. Il doit recommencer. Il recommence le dhuhr. Là, qui a le fajr? Est-ce qu'il doit recommencer le fajr? Là, kadalika, il recommence pas le fajr. Car il est dans le doute que ça s'est passé avant le fajr. Là, on parle d'une bab al-ilzam. Ah, mais le mieux, c'est qu'il recommence. Comme ça, au moins, sa conscience, elle est libérée. C'est mieux pour lui. Là, on parle de l'ilzam. Est-ce que c'est wajib alayhi qui recommence salat al-fajr? Là. Pourquoi? Parce que là, il y a deux chèques. Ils disent, lorsqu'il y a deux chèques qui s'opposent, tuqaddam yaniyash aqarab shukuk. Tu fais prévaloir, tu prends en considération le doute le plus récent. T'as même le doute le plus récent, c'est-à-dire, là c'est pour al-dhahr. Ça c'est min bab al-ilzam. Amma min bab al-afdal, c'est mieux qu'il recommence les deux. T'as même, lakin. Est-ce qu'il y en a, on lui est obligé? Et il est obligé de recommencer, là c'est afdal qui recommence à tel fajr, dans ce cas-là, t'as même. Là c'est min bab al-fayda, celle-là. Il y avait un autre exemple, il est sorti de ma tête. Naam, kadalika, on avait pu voir que yani les choses qui yaqum maqam al yaqin kadalika ish khabar al wahid tamam al thiqa مثلا لو يعني شخص نام تمام او جاء له نعاس فنقض انتقض منه الوضوء تمام انتقض منه الوضوء وكان على جنبه شخص اخر فلما استيقظ نبأه ذاك الشخص وقال ان الوضوء قد انتقض تمام une personne qui a dormi et pendant qu'il a dormi tamam il a perdu les ablutions. Lorsqu'il s'est levé, la personne lui dit: mon frère, il faut que tu recommences le wudu, car il a une nuas, somnolence. Il dit: il faut que tu recommences le wudu, car j'ai entendu que tu as perdu le wudu. Est-ce qu'il fait prévaloir sa pensée? Lui, il dit: non, je suis certain que j'ai pas perdu le wudu. Et lui, il a entendu. Lesquelles de ces deux paroles-là tu dois faire précéder? Non, celui qui ne dormait pas, celui qui était, qui ne dormait pas. Pourquoi? Parce que il y a une qarina haria. On a un indice. On a un indice qui est que la personne a été éveillée. Tandis que l'autre, il était. Il a somnolé. Donc sa situation fait qu'il n'est pas dans un cas de certitude. Il n'est pas dans un cas de certitude. Comment on fait? Donc ça, c'est khabar al-thiqa. À partir du moment que c'est quelqu'un qui est connu pour l'équité et l'akhirah. Certaines personnes peuvent dire comment vous pouvez faire précéder khabar al-thiqa? Ou plutôt, yani, parce qu'il y a deux, une personne yani, dit une chose et l'autre a dit une autre, faire part précéder la parole du thiqa à l'autre, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas accepté en premier lieu la parole de Dhul-Yadayn, lorsqu'il lui a dit qu'il avait prié deux raka'a. Lorsqu'il lui a dit Anaqas as-salah ou Naham nasita, est-ce que tu as oublié ou bien la prière a été diminuée? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa ma nasit, wa la kadhalika aish naqasa minha. Donc, Nabi Sussam, il a posé ses jugements plutôt sur ce que lui il savait. T'as-t'en? Il n'a pas pris directement la parole de Dhul-Yadayn. Comment on répond à cela? Non, mais ça rassure après auprès d'Abu Bakr et Omar. T'as-t'en? Donc, là, dans ce cas-là, il a pris Khabar al-Thiqat Bahada. Lakin, lorsque Nabi Sussam Kadalika, c'est Thiqa. Il avait une forte présomption que quoi? Qu'il était sur la vérité. Et Kazalika, lui. C'est-à-dire que si jamais, dans le cas où tu te trouves dans une situation, une situation dans laquelle tu te retrouves, Yanni, certain de ce que tu dis, comme c'est le cas du prophète, il était certain de ce qu'il disait, et qu'une autre personne te dit le contraire, là tu ne peux pas faire précéder une parole à l'autre. Pourquoi? Parce que là c'est deux yaqin, Yanni, qui s'opposent. Mais si jamais après il y a d'autres indices qui viennent appuyer la parole de l'un ou de l'autre, on doit délaisser la parole de celui. Plutôt on prend la parole de celui dans laquelle la certitude va être fortifiée, comme c'est le cas de Hadith Dhul-Yadayn. Lorsqu'il s'est rassuré après auprès d'Abu Bakr Omar, ils l'ont dit Naham, Sadaqa Dhul-Yadayn. Dhul-Yadayn l'a dit vrai. Tu as prié deux raka'a au dhahr. Et Nabi Sallam, il a recommencé la prière. Ou plutôt, il a rajouté deux raka'a après cela. Donc il a pris, Ba'da Dhalika, Khabar al-Thiqat. Il a pris la parole des gens de confiance. Ça c'est pour la première qu'on a pu voir. Ensuite, on a pu voir aussi kadhalika, deuxième qaida, al aslu fil miyah hina at-tahara wal ard wa na'am wal ard wa thiyab wal hijara. Tamam, que la base dans les choses, tamam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est quoi? C'est at-tahara et kadhalika al-hil. Qui se rappelle du dalil qui prouve cela, que les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créées sont licites et pures? نعم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. C'est celui qui a créé pour vous tout ce qui est en intégralité dans la terre, sur terre. Donc le fait qu'ils disent pour vous, c'est-à-dire afin qu'on puisse y adonner et en profiter, comme l'a déduit l'imam Sa'adi alayhi rahmatullah fi tafsirihi. Il dit cette ayat là plutôt prouve que al aslu fil ashiya at-tahara wal hil, qui sont purées, qui sont licites, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour nous, c'est-à-dire pour s'y adonner et pour en profiter. Donc ça c'est un dalil qui prouve que quoi? Al aslu fil ashiya al hil wa at-tahara illa hatta yati ad-dalil, hatta yati ad-dalil, jusqu'à ce que la preuve elle vienne et approuve le contraire que quoi? que cette chose-là est impure et qu'elle est illicite. Donc ça, c'est une base. C'est-à-dire la base dans la nature des choses, c'est At-Tahara wa Kadalika El-Hil. Celui qui prétend le contraire, c'est à lui de ramener le dalil. Ça, c'est. Tu peux t'en rester à fait de cela, Inch'Allah, lorsqu'on va venir dans la qaïda qui est quoi? Al-Bayyinatu ala al-Muddai. La preuve pour celui qui prétend. Lorsque une personne a prétend une chose, c'est à lui de ramener la preuve. C'est-à-dire lorsqu'il prétend une chose qui sort de son naturel ou bien qui sort de son asl, de son origine, c'est à lui de ramener la preuve. Là, c'est la même chose qu'à Zalika. Parce que l'asl fil ashiya, c'est l'ibaha. C'est l'ibaha ou l'hil. Celui qui prétend que c'est haram, c'est à lui de ramener le dalil. C'est pas à toi de ramener le dalil pour montrer que quoi cette chose-là elle est halal et elle est pure. C'est à lui de ramener le dalil qu'elle est impure et qu'elle est quoi? Qu'elle est haram. C'est à lui de ramener le dalil. Donc ça, cette qaïda-là, nastafidu minha, dans la qaïda, inshallah, qui est à venir, al-bayyinatu ala al-muddai. C'est-à-dire que lorsque tu as l'asl et la nature d'une chose, c'est celui qui prétend l'inverse qui doit ramener le dalil et non pas toi. Donc, inshallah, ça c'est bien de connaître la nature des choses et leur origine. Ça va te permettre à mieux comprendre et appliquer la qaïda qui va venir, inshallah. Al-bayyinatu ala al-muddai. Donc, ça c'est un farh de la qaïda, al-yaqin. La tuziluhu al-shak. À partir du moment où tu es sur une base, une certitude, on ne peut dévier de ce jugement-là que si jamais il y a un dalil qui prouve cela. Ensuite, on a pu évoquer les adillah qui prouvent la pureté et que la pureté de l'ard, le thiyab, le hijar, le ma, qu'on a pu citer à titre d'exemple. C'est juste à titre d'exemple qu'il les a cités et non pas que ces choses-là sont les quatre choses et en dehors de cela, tout est haram et l'akhiri. Cette qaïda-là, qu'est-ce que le talib al-hilm, le muslim, il profite de cette qaïda-là? Lorsqu'on dit al-aslu fil ashiya, al-ibahatu wa at-tahlil, al-ibahatu wa at-tahara plutôt. Qu'est-ce qui s'est fait de cette chose-là? C'est quoi le profit premier qui doit tirer de cette qaïda-là? Lorsqu'on dit la base dans les choses, c'est quoi? Al-hil wa at-tahara. De savoir que c'est licite et pur à la base. On avait évoqué un petit truc en plus. On avait évoqué que cette qaïda là, yani tufidu kaish al isara ila talab al-ilm, que tu dois t'empresser de talab al-ilm. Car ma'rouf, il y a des ashiya qui sont halal wa tahira, كذلك il y a des ashiya qui sont quoi? Qui sont khabitha, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala, wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. Tu ne dois pas se faire de ce qaïda là pour dire yani tout est licite et tout est naam. Tout est licite et tout est naam et pur. Donc tu t'adonnes à tout ce que tu vois. Là, il y a des choses aussi qui sont haram. Donc connaître ces choses-là afin de ne pas tomber dans le haram. Comme a dit le Nabi sallam, al-halal bayyinun wal-haram bayyin. Wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhu kathir min an-nas. Faman waqa'a fi shubahat comme a dit le Nabi sallam, faqad waqa'a fi al-haram. Faqad waqa'a fi al-haram. C'est-à-dire celui qui va tomber dans la chose qui est ambiguë, il ne sait pas si jamais elle est halal ou haram. Le fait qu'il s'y adonne sans savoir le jugement, et ça fait de lui qu'il est tombé dans le haram, même si jamais, en vérité, elle était halal. Ça fait de lui qu'il est tombé dans le haram, parce qu'il faut savoir, avant toute chose. Avant toute chose. Naam, inshallah, donc on va poursuivre. Qala rahimahullahu ta'ala, wal aslu fil abda'i wal luhumi, wal nafsu wal amwali lil ma'zumi, tahrimuha hatta yajim il hillu, fafham hadaka allahu ma yumallu. Donc, ces quatre vers, Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, Naham, il poursuit sur la qaïda, Naham, fi al-asala, comme on a pu le voir, bara'atu al-ashiya, ou plutôt bara'atu, Naham, il s'appelle al-bara'a wal-istishab, Naham, al-bara'a wal-istishab, la qaïda de al-bara'a wal-istishab, c'est-à-dire faire demeurer un jugement et la nature d'une chose, tamam, éternellement, jusqu'à ce que quoi? Vienne un dalil qui prouve le contraire. C'est ça qui est ma'na al-istishab, c'est-à-dire de faire demeurer le jugement qui appartient à ces choses-là, jusqu'à ce que vienne une chose, un dalil qui dérive son jugement vers un autre. Donc là, c'est une suite de cette qaïda-là qui est qaïdatu al-istishab, wal-bara'atu al-asliya, la nature innée des choses. Dans ces vers-là, al-mu'allif rahimahullah ta'ala nous fait part innée de l'inverse de la qaïda précédente, dans laquelle il avait évoqué que « al-aslu fil-ashiya » c'est quoi? أنها طاهرة وأنها حلال qu'elles sont pures et qu'elles sont halal, qu'elles sont licites. Et là, il nous évoque les choses, comme on a pu le voir, car ce n'est pas toute chose qui est licite et tahir, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ » Il évoque, ou plutôt Allah Azza wa Jalla, il évoque de son prophète, qui est venu après l'Injil, pour nous autoriser les choses qui sont bonnes, et nous interdire les choses qui sont mauvaises, الخبائث. Et là, il va évoquer, يعني الأصل في الأشياء التي حكمها التحريم تمام le jugement des choses qui dans leur nature يعني la base de ces choses là la base du jugement de ces choses là c'est qu'elles sont illicites تمام au contraire de ce qu'on a pu voir avant dans lequel il était évoqué que la base dans les choses c'était quoi al halal تمام donc il y a certaines choses qui sont quoi qui sont haram et dont leur base c'est ça c'est-à-dire que tu peux pas venir juger de ces choses là qui est haram qu'elle est halal que par un dalil تمام à l'inverse de la première qaïda qu'on a pu voir. قَلَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَعِ وَالْلُحُومِ تمام donc il dit la base في الأبضاع comme on va le voir c'est نعم النكاح dans le fait de consommer نعم les liens conjugaux تمام واللحوم la viande les viandes والنفس والأموال النفس les âmes والأموال l'argent للمعصوم c'est-à-dire celui dont son sang et son argent il est sacré تحريمها حتى يجي الحل c'est que ces choses là qu'on a cité précédemment elles sont haram تمام حكمها انها حرام حتى يجي الدليل الذي يحله jusqu'à ce que vienne le dalil qui va rendre licite ces choses là تمام qui sont à la base haram قال فافهم هداك الله من يمله تمام donc il dit saisis bien ceci là plutôt saisis bien ceci تمام et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide afin de ne pas tomber dans les choses où yani, tu vas sentir, tu vas ressentir yani, comment ça s'appelle, tu vas te prélasser tamam? Donc il fait une dua yani, pour conclure le bait et surtout yani, pour que la rime, tamam? Pour que ça rime hillu yumallu al-abda' tamam? Al-abda' comme a dit Ibn Faris rahimahullah ta'ala fi maqais al-lugha tamam? Cette madda là yani, ba-da'a tamam? Ba-da'ain elle a plusieurs sens dans la langue arabe hein, elle a plusieurs sens dans la langue arabe mais ce qui évolue ici al-abda' c'est le jam' de bid'a plutôt le jam' de bud'a le jam' de bud'a et le bud'a c'est quoi c'est le nikah c'est le mariage et dans le hadith an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قال وفي بضع احدكم صدقه تمام في بضع احدكم صدقه et lorsque la personne se marie c'est-à-dire qu'il consomme son mariage tamam il dit dans cette chose-là il y a une sadaqa comme dans le hadith le bud'u هنا c'est quoi un nikah et il y a un nikah les rapports qui sont entre l'homme et la femme et il dit le bud'u et il dit le bid'a mais le bid'a c'est plus pourquoi le jima'a le bid'a le jima'a waznan wa ma'na le bid'a jima'a والبضع هو النكاح تمام البضع هو النكاح et tu peux l'utiliser بمعنى ايش البضاع donc ça c'est معنى ايش الابضاع تمام الابضاع c'est le fait de consommer تمام le mariage le fait de consommer le mariage le rapport تمام il dit que l'asl dans cette chose là c'est quoi c'est que elle est haram تمام الاصل c'est que c'est haram c'est-à-dire de avoir des rapports avec une femme الأصل فيه c'est حرام jusqu'à ce que vient اليقين والدليل c'est-à-dire qu'il se marie d'un nikah شرعي تمام qui se marie comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a souhaité ou bien مما ملكت أيمانكم كما قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم نعم فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم dans cette ayah là Allah subhanahu wa ta'ala il l'autorise plutôt même yani il exhorte et recommande le mariage 2, 3 ou 4 yani, femmes celui qui a peur de ne pas être égaux envers ses époux envers ses épouses il se marie avec une ou bien c'est-à-dire avec les esclaves donc cette ayah là nous prouve que yani, la chose par laquelle tu peux t'autoriser les rapports avec une femme c'est par ces deux biais là c'est-à-dire soit c'est une esclave ou soit tu t'es marié avec elle tamam وإلى الأصل c'est quoi التحريم تمام الأصل في التحريم والدليل la preuve qui nous prouve que les rapports تمام d'avoir les rapports avec une femme qui n'est pas la tienne c'est haram تمام حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج الفروج ما استحللتم به الفروج الحديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث nous dit que les conditions qui sont le plus en droit d'être respectées tamam, et de s'en acquitter, c'est les choses par lesquelles vous êtes vu autoriser tamam, les rapports avec vos conjoints. Tamam. Donc, dans ce hadith-là, il était utilisé « istahlaltum » les choses par lesquelles vous êtes rendu licite, c'est-à-dire rendu licite une chose qui était « haram ». Donc ça, ça nous prouve que la base, dans les rapports, tamam, c'est « al-hil » plutôt « al-tahrim »« hatta yajil dalil » يدل على الحل يدل يعني كي بروف ك يعني سي اوتوريزي وكذلك نهم من الاحاديث ولا تقربوا الزنا الى اخره تمام سكي بروف ك يعني سي تو في سا سي زنا تمام والمعروف الزنا سي لو في دافوار دي رابور افيك كو اون بيرسون كي نيتي بو اوتوريزي تمام سي ني اسكلاف ني كذلك ني تفهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wala taqarabu. Il n'a pas dit faites pas zinal, wala taqarabu. C'est-à-dire ne vous approchez pas de cette chose-là. Car yani, c'est haram. Et c'est une madarra. Donc on s'est fait par rapport à cette qaïda-là que celui qui se marie avec, d'une manière dans laquelle il n'y a pas une yaqin, une certitude, qui s'est vu autorisé les rapports avec cette femme-là, maintenant dans le nikah, il y a une shubha, il y a une ambiguïté, ou bien il a pas été les accords, l'acte et l'akhiri, ils n'ont pas été vraiment clairs, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de consommer les rapports avec cette personne-là qui pense être son époux. Pourquoi? Parce que c'est là, pour pouvoir t'autoriser les choses qui sont haram, il faut que tu aies un dalil. Il faut que tu aies un dalil. Min al-kitab et la sunna qui te permettent de le faire. Sinon, ça reste yani à la base, c'est-à-dire que c'est haram, tamam, c'est haram. Donc celui qui dans son nikah n'est pas clair, correct, tamam, le haqd, il n'est pas clair, il n'a pas droit de s'autoriser les rapports avec sa femme. Pourquoi? Parce que al-aslu fihi, c'est quoi? C'est que c'est haram et il ne peut s'autoriser cette chose-là que par un dalil, tamam, c'est-à-dire avec un contrat de mariage qui est clair et qui est conforme au kitab et à la sunna. Tamam, qui est conforme au kitab et à la sunna. Kadhalika pour les esclaves. Tamam. Qala rahimahullahu ta'ala al-aslu fil abda'i wal-luhum. Tamam, kadhalika al-luhum. Tamam, al-aslu fil luhum dans les viandes, c'est quoi? C'est qu'elles sont le fait de manger, tamam. Les viandes, aslan, yani c'est une chose qui est quoi? Ce qui est haram, tamam. Il faut que tu aies un dalil qui te prouve que cette chose-là, elle était quoi? Elle est halal, tamam. Et le dalil, c'est ma'ruf, c'est tassimiyatullah azza wa jal ala tadhkiyah. Wa la ta'kulu mimma lam yuthkar ismullah alayhi. Et ne mangez que des viandes sur lesquelles a été prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les viandes qui sont autorisées, tamam. Parmi les viandes qui sont autorisées, car il y a des choses qui sont haram parmi les viandes. Là, on parle des viandes qui sont halal, tamam. On parle des viandes qui sont halal. Hatta ces viandes-là qui sont halal, tu peux t'y voir autorisé les manger qu'à partir du moment où il y a un dalil qui te prouve que cette viande-là, elle est halal, c'est quoi? At-tasmiya, c'est que cette viande-là, elle a été égorgée et conformément au kitab à la sunna, c'est-à-dire en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette viande-là. Sinon, al-aslu fihi, tamam, al-aslu, la base, l'origine du jugement des viandes, c'est que c'est quoi? C'est que c'est haram, hatta yajid dalil, yadullu ala annahu halal, tamam. Wa dalilu ala thalika, kama qulna, qawlu subhanahu wa ta'ala, wa la ta'kulu mimma lam yuthkar ismullahi alayhi. Et ne mangez pas des viandes sur lesquelles il n'a pas été prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika qala an-nabi sallam man anhara ad-dam wa dhakara ismullah alayhi fakul muttafaqun alayhi. Nous sommes dit dans ce hadith toute viande yani qui a été saignée, c'est-à-dire égorgée et dont le nom d'Allah azza wa jalla a été évoqué, fakul, mange-le. Dans la compréhension inverse de ce hadith là, toute viande qui a été égorgée dans laquelle n'a pas été prononcé le nom d'Allah azza wa jalla, la ta'kul, ne la mange pas. Pourquoi? Parce que al-aslu fil luhum, c'est quoi? At-tahrim, tamam, c'est tahrim. C'est-à-dire donc, le muslimi profite de cette qaïda-là, c'est-à-dire asalat al-ashya, lorsqu'il sait que le asl dans cette chose-là, c'est qu'elle est halal, et dans l'asl dans une autre chose, c'est qu'elle est haram, il n'a pas le droit de s'y autoriser que si jamais il a un dalil, tamam, que si il a un dalil. Si jamais, la personne, tamam, elle a un doute sur la, la viande, est-ce qu'elle a été halal ou bien haram, ou plutôt il a un doute, est-ce que lorsqu'il a égorgé cette bête-là, il a prononcé le nom d'Allah Azzawajal, est-ce qu'il peut la manger? Là, il ne peut pas la manger, pourquoi? Parce qu'il a un doute. Et pour se, pouvoir se permettre et s'autoriser de manger cette viande-là, il faut qu'il soit sûr. Sinon, c'est comme si jamais c'était à donner au shubhat, comme a dit le Nabi sallam, naham. إن الحلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في حرام والشبهات c'est quoi? C'est l'amr qui n'est pas mustabin, c'est l'affaire qui n'est pas claire, l'affaire qui n'est pas claire, comme le cas de celui qui quoi? Qui égorge une bête et il a un doute, est-ce que j'ai prononcé ou pas le nom d'Allah Azza wa Jal? Donc là, il est dans une affaire qui n'est pas claire, et si jamais il le fait, il est tombé dans le haram. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Donc, كَذَا لِكَ عَلْهُنَا, il n'a pas droit de s'adonner à cette viande-là et d'en profiter que si jamais il est sûr, que si jamais il a une certitude qu'il a bien prononcé le nom d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا. Et naham, parmi les fawaïd qu'on peut évoquer, كَذَا لِكَ Kadha lika, dans ce genre d'affaires là, c'est-à-dire pour le loukhoum, tu peux utiliser quoi? Ghalabatu dhann. Tam? Quand tu استعمل ghalabatu dhann li kay tata'ata lil lahm. Tam? Tu peux t'adonner à la viande même si jamais tu n'as pas la certitude, lakin tu as une forte présomption. Tam? Tu as une forte présomption car comme on a pu le voir, yani dans la qa'ida, ash-shak la yuzilu al-yaqin anna ghalabatu dhann takun maqam al-yaqin, que les fortes présomptions, elles peuvent prendre la place de la yaqin lorsque tu as pas la certitude d'une chose, laquelle lorsque tu as une forte présomption, elle remplace al yaqin. Kaza le kahuna dans le hum. Mathalan, man hacha ou plutôt man yaish fi balad l'islam, tamam, balad al-muslimin, ceux qui vivent dans un balad de muslimin. On lui qaddam un repas, yuqaddam lahu wajba ila akhirihi, dans laquelle il y a une viande. Lui, c'est pas lui qui l'a égorgé. Est-ce que du fait qu'il n'est pas sûr que cette viande-là, elle a été égorgée et prononcé le nom d'Allah Azza wa Jal fihi, est-ce que ça lui permet de pouvoir s'y adonner ou pas, et, ou bien de délaisser la viande, tout en sachant qu'il est dans un balad musulman. Dans cette hal-là, il a une qarina, qui est quoi? Ghalabat al-dhann, qui est quoi? Qui vit dans un balad musulman. Et ma'rouf, al-muslim, huwa man yani kama fil hadith, yani c'est celui qui égorge conformément au kitab et à la sunna. Donc dans ce cas-là, même si jamais tu n'as pas la certitude, c'est-à-dire que tu n'as pas vu de tes propres yeux, bien entendu, que cette personne-là qui t'a qaddam al-ta'am, il a égorgé en prononçant le nom d'Allah Azza wa Jal, lakin t'as quoi? T'as une qarina. T'as une haliya qui est quoi? Que t'as un indice qui montre que plutôt yani que cette personne-là c'est un musulman, tamam, et que le musulman ma'rouf c'est celui qui égorge, tamam, il égorge et prononce le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc là, même si tu n'as pas la certitude, tu peux manger la viande de cette personne-là qui est musulman, qui t'a ramené dans le ta'am dans lequel il y a de la lahm. Pourquoi? Parce que tu as une forte présomption que cette personne-là elle a égorgé tout en se conformant aux lois de l'islam, c'est-à-dire en prononçant le nom d'Allah Azza wa Jal et en égorgeant cette bête-là, même si tu n'as pas la certitude. Et maintenant, il était sûr qu'il avait égorgé correctement, mais maintenant il n'est plus sûr. Il doute et il n'a donc plus le droit de manger. Tu veux dire, Annie, que après avoir eu la certitude, il a un doute. Après avoir la certitude, il a un doute. Est-ce que je l'ai égorgé ou pas? C'est ça? Le doute, il est là. Si jamais le doute, il est plus fort que la certitude, Annie, il fait précéder quoi? Le doute. C'est-à-dire que il la mange pas. Pourquoi? Parce qu'il a un doute. Si le doute il est plus fort que la certitude, tu prends en fait dans cette qaïda, c'est simple. Tu qaddam ma huwa aqwa. Si jamais tu es vraiment sûr, intahina, si jamais c'est le doute dans lequel tu es sûr, dans lequel tu es, tamam, bah, wafiqa barakallah, tamam. Donc dans ce cas-là, tu fais précéder, c'est quoi ton cas? T'es dans une situation de doute. T'es dans une situation de doute. Donc tu ne manges pas, t'as pas le droit de manger dans ce cas-là. Et Dalil Afwan qui prouve que tu peux manger lorsque une viande, lorsque tu as ghalabat al-dhann. Hadith Aisha fi al-Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qila lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna qawman ya'tunana bil-luhum la nadri adhakara ismullah alayhi am la, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam سموا الله عليه أنتم وكلوه سموا الله عليه أنتم وكلوه lorsqu'on lui a dit, t'as même des personnes sont venues auprès du prophète, ils l'ont dit, des personnes dans un bled muslim viennent avec des repas dans lesquels il y a du lahm, et on ne sait pas est-ce qu'ils ont prononcé le nom d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'ils ont égorgé ou pas. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا manger wa sammu antum, c'est-à-dire lorsque tu veux commencer le repas, ma'ruf, ya ghulam, kul bismillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, comme dans le hadith, c'est-à-dire que toi tu dis bismillah et tu manges, tu dis bismillah et tu manges. Pourquoi? Comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, le hadith est dans Bukhari, donc dans le charh de ce hadith là de Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit pourquoi, parce qu'il a une qarina haliya, il a un indice de lieu qui est qu'il est dans un pays musulman. Et ma'ruf, le muslim c'est celui qui égorge conformément au kitab et à la sunnah. Donc le musulman il n'a pas pris en considération ce faux doute là. On ne sait pas, on n'a pas vu, on n'a pas entendu, il n'a pas évoqué la khali. Cette personne là c'est un muslim? Naam. Il t'a présenté le taham, cool. Wa ma alayka an tas'al. Qal le shaykh al-Uthaymeen. Wa su'al fi hadhihi al-hala, yani makruha. C'est détestable que tu demandes. Au muslim, est-ce que tu as égorgé et tu as prononcé le nom d'Allah Azza wa Jalla? Tu n'as pas demandé. Le musulman il n'a pas pris en considération, il n'a pas dit. Demandez-leur, est-ce qu'ils ont égorgé, est-ce qu'ils ont prononcé le nom d'Allah Azza wa Jal, lakin il s'est contenté de cette qarina haliya, cet indice de lieu qui est qu'il est dans un pays de musulmans. Donc il n'a pas demandé, est-ce que tu as égorgé ou pas, il mange, bismillah, et yahmadullah Azza wa Jal, inda inti'ahi min at-ta'am, hadha huwa, donc ça ce dalil-là nous prouve que tu fais précéder, ghalabatu dhan, la forte présomption, et la qarina haliya, l'indice de lieu qui prouve que tu es. Que tu peux manger parce que tu es dans un pays de musulmans. Et qu'est-ce que si jamais tu as une qarina halia qui yadoul ala l'aks, tu as un indice de lieu qui prouve le contraire. Celui qui vient dans un pays de kuffar, celui qui présente le ta'am, c'est un kafir. Celui qui présente le ta'am, c'est un kafir dans lequel il y a de l'hum. La ta'akul. La ta'akul. Et dans ce cas-là, il t'est demandé, si jamais tu veux manger, de demander, de lui poser la question. Hal yani dhukiyat hadi l'ahma, tam. Est-ce que tu as prononcé le nom d'Allah Azza wa Jalla? Ça c'est pour ceux qui sont Ahlul Kitab. Amma ceux qui sont des mushriks, vraiment, mais ma'ruf, on va voir, Inch'Allah, mais Ahlul Kitab, yani, à notre époque, pour l'alam, si jamais ça existe encore, des personnes qui, lorsqu'ils égorgent, ils égorgent en prononçant le nom d'Allah Azza wa Jalla. En prononçant le nom d'Allah Azza wa Jalla et qu'ils égorgent. Pour l'alam, si ça existe encore, ce genre de personnes-là, pour l'alam. À la kulli hal, c'est, yani, laissons penser comme cela, que un de Ahlul Kitab, il te présente de la viande, t'es dans un pays de kuffar, il y a l'akhiri, dans ce cas-là, tu l'as demandé. Tu l'as demandé pourquoi? Parce que t'as un indice de lieu qui prouve que cette viande-là, wallahu alam, t'as une forte présomption qu'elle n'est pas quoi? Qu'elle n'est pas halal. Qu'elle n'est pas halal. Donc tu te demandes. Tu te demandes est-ce qu'elle a été égorgée et est-ce que le nom d'Allah Azza wa Jal l'a été naham, prononcé. Dans ce cas-là, naham, si jamais ça a été fait, tu coules, t'akul, ou illa ma t'akul, ma t'akul. Pourquoi? Parce que t'as un indice de lieu. Et une forte présomption que cette viande-là, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas halal. Le Cheikh Al-Uthaymeen a une fatwa à la fin de ce hadith-là qui est un peu adjiba, même c'est ghalat. Il dit que les viandes qui sont importées, les viandes qui sont importées des pays de Kuffar, il dit que tu peux les manger. Tu peux les manger, pourquoi? Parce qu'ils viennent d'Ahlul Kitab. Wallahu a'lam, yani utuna bi wahid min Ahlul Kitab. Des gens vraiment qui sont d'Ahlul Kitab, c'est-à-dire qu'ils égorgent et qui prononcent le nom d'Allah Azza wa Jal, parmi les chrétiens ou les juifs. Ça, wallahu alam, si ça existe, ben vraiment c'est très rare. C'est très rare. C'est-à-dire que là, al aslu fihim, ceux qui prétendent qu'ils sont Ahl al-Kitab, c'est vraiment qu'ils ne sont pas Ahl al-Ash, Ahl al-Kitab, mimma, i'atabarihi al-Kitab wa Sunnah. Ce ne sont pas les Ahl al-Kitab que le Kitab et la Sunnah, ils ont considéré. Donc c'est-à-dire que al aslu fihim, ou al aksar fihim, ce sont des gens qui ne sont pas conformes à ce que le Kitab et la Sunnah l'a considéré parmi les viandes que tu peux manger des Ahl al-Kitab. Si jamais on les trouve, c'est rare. Donc c'est-à-dire que tu dois poser la question. Est-ce que tu es vraiment fait partie d'Ahl al-Kitab, ceux qui, leur viande, ils l'égorgent et ils prononcent le nom d'Allah Azza wa Jal, wallahu a'lam, si jamais ça existe encore, parmi les Yahoud et les Nasara, ceux qui pratiquent ce genre de coutume-là. Si jamais il le fait, il l'égorge, wallahu a'lam, c'est bismi al-Masih, ou bismi Maryam, ou bismi, yani ma'aruf, leur shirkiyat, wallahu a'lam. Même si jamais ils égorgent, wallah alam, c'est pas khalisatan lillah, ou plutôt, c'est pas en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'évoque avec. Le nom du Père, du Fils, et l'akhiri, et peut-être qu'il égorge, wallah alam, si jamais il égorge. Donc cette fatwa-là de Shir, ma'adjala alati, malgré que c'est un istre Shir, يعني اللي بصواب كل قول يؤخذ ويراد إلا صاحب هذا القبر. قال الإمام مالك toute parole elle est prise en elle peut être acceptée et rejetée excepté la parole de cette personne là qui est dans la tombe en montrant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est-à-dire même si Cheikh Al-Uthaymeen plutôt yani c'est un grand imam lakin il n'est pas exempt de ne pas se tromper. قال رحمه الله تعالى والنفس والأموال المعصومة تمام كذلك النفس تمام il dit النفس لا يجوز تمام الأصل فيها c'est-à-dire l'âme tu n'as pas droit de tuer quelqu'un. Tu as peur de tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'asl fi al-ma'soum, c'est-à-dire, comme on va le voir, inshallah, al-ma'soum, l'asl fi him, c'est quoi? C'est al-hurma. C'est que leur sang, il est sacré. Tu n'as pas le droit de les couler parce que leur sang, il est sacré. Le dalil qui nous prouve que dam al-nafs al-ma'souma, c'est il est haram, ça peut les couler. Qulu subhanahu wa qulu nabi sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an qatil al-nas hatta yashhadu أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا تمام عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحديث يعني معروف. Donc il dit j'ai été en ordonné de combattre toute personne jusqu'à ce qu'il atteste la ilaha illallah et que Muhammad est le prophète et le messager تمام qu'il prie et qu'il s'acquitte de la zakat. S'il fait ceci, son sang et ses biens sont sacrés إلا بحق الإسلام. C'est-à-dire que si jamais il commet un péché qui implique qu'il soit tué, tamam, comme dans le hadith la yahillu damu mri'in muslimin illa bihada thalath al-thayb al-zani al-zani wa nafsu bil-nafs wa tarik al-dinihi al-mufalaq lil-jama'a. Tamam, celui qui fait zina, tamam, qui fait zina et qui est marié, tu peux le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a perpétué un crime qui dans l'islam la sanction est que tu dois le tuer. Kadhalika تارك لدينه تام المرتد تام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. celui qui a apostasié tuez-le. كذلك النفس بالنفس celui qui a tué quelqu'un تمام son sang كذلك il est devenu licite تمام. donc الأصل فيهم في الأصل في المعصوم c'est-à-dire celui qui a attesté c'est-à-dire le musulman c'est-à-dire lorsqu'on dit le musulman c'est celui qui a attesté شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة. تمام؟ ça c'est le musulman. ça c'est le musulman. c'est celui qui a attesté des deux attestations, qui a accompli la prière et qui a quitté la زكاة. نعم في الحديث كما قال جل وعلا فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. si jamais ils se repentent de leur shirk, c'est-à-dire ils attestent de l'unicité d'Allah عز وجل par le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ce sont vos frères dans la religion. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى il dit cette ayah là prouve que celui qui ne fait pas la prière ni la ni s'acquitte de la zakat, tamam, c'est pas un mu'min. tamam, c'est pas un mu'min. tamam, c'est pas un mu'min. il faut qu'il fasse les deux. tamam, il faut qu'il fasse les deux. s'il délaisse les deux en même temps, tamam, c'est un kafir. tamam, ama celui après il y a une khilaf. tamam, celui qui délaisse la prière et qui donne la zakat, est-ce que c'est un kafir? il y a un khilaf dedans. كذلك celui qui accomplit la prière et ne donne pas la zakat, ça c'est sahih, c'est marouf, c'est un musulman. Certains disent que c'est pas un musulman celui qui délaisse la zakat, ils disent que c'est un kafir, lakin il n'y a pas de dalil qui prouve cela. Ama celui qui délaisse la prière, le khilaf est marouf. Le khilaf est marouf, celui qui délaisse la prière, t'es qu'à cela, est-ce que c'est un kafir ou pas? On a pu l'évoquer dans Sifat al-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin on parle de celui, on parle du musulman. C'est qui le musulman? C'est celui qui accomplit la prière, voilà comme ça. Celui qui a compris la prière et qui donne la zakat. A compris la prière et qui donne la zakat. S'il délaisse les deux, la prière et la zakat, c'est un kafir. Fait ikhwanukum fi din. Ce sont vos frères dans la religion. Donc ce nous prouve que celui qui ne fait pas cela, ce n'est pas notre frère dans la religion. Waqala jalla wa ala inna al mu'minun ikhwa. Seuls les croyants sont les frères. C'est-à-dire que celui qui n'est pas un croyant, ce ne peut pas être ton frère dans le din. كذلك celui qui délaisse la prière et la zakat, c'est pas ton frère dans le din. بدليل قول سبحانه وتعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. et كذلك يعني مما يقوم مقام المعصوم. تمام المعصوم on a pu voir c'est qui? c'est celui qui يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ça c'est le معصوم كما في الحديث فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. son sang et ses biens deviennent sacrés à partir du moment qu'il a fait ces quatre choses là. تمام et ce qui كذلك يعني il y a le ma'soum et ma yadkhul yani fi ma'na. tam ceux qui sont dans le même jugement que celui dont le sang et ses biens ils sont sacrés même si jamais ils n'ont pas attesté de la shahada. tam c'est des kuffar lakin ils ont fait des choses qui font que leur sang est sacré. Parmi ces personnes-là, ils sont au nombre de 5, tamam, ou 6. Yani azimmi. Tamam, azimmi, c'est celui de Ahl al-Kitab qui vit dans les terres musulmanes et qui est un kafir. Lakin, qui donne l'impôt afin que son sang soit préservé. Tamam. C'est celui qui donne l'impôt afin que son sang soit préservé. Et que il s'implique, plutôt il, naham, il accomplit d'apparence les lois islamiques, tamam, même si jamais il reste sur la doctrine de la mécréance, c'est pas pour cela qu'il met en avant dans les pays de musulmans sa mécréance, tamam, il la cache pour lui au fond de son cœur, on sait qu'il veut pas attester, lakin il donne, tamam, il donne l'impôt afin que son sang soit sacré, tamam, dhimmi, ça rentre dans le cas dans quoi, dans le ma'soum, c'est-à-dire que t'as pas le droit de déverser son sang, tamam, que si jamais t'as un dalil qui te permet cela. Il l'a bihaq l'islam. Que si jamais il a violé un droit parmi les droits de l'islam qui implique que son sang il doit être écoulé. Tamam, que son sang il doit être écoulé. وَدَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Dans cette ayah là, Allah Azza wa Jal, il a préservé le sang du dhimmi, c'est-à-dire le kafir qui vit dans la terre du musulman et qui déverse l'impôt afin que son sang soit préservé. Dans la ayah, il a dit combattez-les tous, excepté ceux parmi les kitabs qui versent l'impôt afin que leur sang soit une armée épargnée et soit sacré. Donc ça, c'est une exception. Ça rentre dans le ma'soum. Kathalika al-mu'ahad, celui qui a un pacte. Un pacte avec l'imam de musulman, le gouverneur. Une guerre. Ils ont connu une guerre et ensuite ils ont signé une trêve ou bien ils ont signé un accord de paix et la khidri. T'as ces personnes-là, à partir du moment où l'accord de paix a été signé ou la trêve a été signée entre les deux pays, t'as le gouverneur parmi les musulmans l'a signé, t'as pas le droit de déverser le sang des personnes qui rentrent sous ce contrat-là ou bien sous cette trêve-là. Comme qu'a dit Allah wa ala, fa in janahu lil silmi fajnahlaha wa tawakkal ala Allah. Si jamais ils te demandent de faire la paix, fais la paix avec eux et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. Ô vous qui croyez, respectez vos engagements. C'est-à-dire lorsque tu t'engages à faire une trêve ou bien un accord de paix, tu n'as pas le droit de trahir et venir par derrière et déverser le sang de ceux avec qui tu as signé un accord de paix. Sinon ça c'est la trahison, la traîtrise, mais l'islam n'est pas venu pour cela. Donc eux ils rentrent كذلك في ما حرم الله يعني من النفوس. Ce que tu dois, les personnes dont tu n'as pas le droit de verser le sang, tamam. Au cas d'Alika, Al-Musta'man. Al-Musta'man, c'est celui qui réside, tamam, qui a demandé le droit de résidence, tamam, le droit de résidence dans un pays musulman. Et Kazalika, celui qui a demandé l'asile, tamam, ces personnes-là, tu n'as pas le droit de déverser le sang, tamam, que ce soit les gens qui sont venus pour des objectifs et une politique, comme c'est le cas des ambassadeurs et la khiri, tamam, les consulats et la khiri, ces personnes-là, le gouverneur, elle a donné sa parole, tamam, qu'ils peuvent vivre et demeurer afin de que circule, il y en ait des profits entre eux et la khirhi, t'as pas le droit de le toucher, t'as. Et aslan, cet ordre-là, il revient à l'imam, t'as. C'est-à-dire, c'est pas du cas par cas, tu viens, t'as. C'est l'imam, t'as. L'imam qui fait, plutôt le gouverneur, qui décide, maintenant d'attaquer une contrée ou bien que cette personne-là soit tuée et la khirhi. C'est pas du cas par cas, t'as. Ça revient. Cette parole-là de tuer ou pas un nafs, c'est-à-dire même si c'est un kafir, yani kafir harbi, t'as. Un kafir de guerre, ça n'a pas à toi de le tuer si jamais l'imam, il a pas, le gouverneur n'a pas décidé de rentrer en combat et en djihad contre cette personne-là ou plutôt contre ce pays-là. C'est pas à toi de faire ça, c'est ça revient de l'ordre de l'État. T'as, ou celui qui est venu pour une tijara et la khiri ou bien une visite, c'est un kafir, t'as, même si jamais c'est un kafir, son sang est sacré. Pourquoi? Parce qu'il a demandé le droit de résidence et d'asile. T'as, à partir du moment qu'il a eu le visa par les autorités de ce pays-là, musulman, il rentre dans le cas du musta'man. Et celui qui le tue, tamam, comme قال الله سبحانه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لا يجد رائحة الجنة. Celui qui tue une personne qui rentre sous un accord et l'akhirhi, il va pas sentir l'odeur du jannah. Et parmi eux, le musta'man, car le gouverneur lui a donné l'accord de rentrer dans ce pays-là pour y demeurer pour une tijara ou bien des un bien politique et l'akhiri. وقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاستأجر فأجرهم فأجره حتى يسمع كلام الله. Ici une personne parmi les kuffars et mushrikin, il te demande le droit d'agir, c'est-à-dire de vivre en paix, tam, istamanaka fa'jirhu, tam, donne-lui ce droit d'asile-là. Donne-lui ce droit d'asile-là, en espérant que, et le droit de demeurer dans le pays des musulmans, en espérant qu'il va écouter le bien qu'il y a dans le pays des musulmans, c'est-à-dire kalamullah azawajal, et que par la suite il devient parmi les musulmans. Kadalika, celui qui mabalat fu da'wa, celui dont la da'wa islamiya ne lui a pas été présentée, il lui a interdit de déverser son sang. Car awalan, on lui propose l'islam, et si jamais il le refuse après, là c'est notre cas. Mais celui qui ignore les droits de l'islam et l'akhirhi, son sang il reste yani sacré. Tu n'as pas le droit de le toucher. Wakadalika, celui qui est un ham kafir et qui n'est pas harbi, c'est-à-dire les femmes, les personnes âgées, les handicapés et l'akhirhi, parmi les kuffars et l'akhirhi, kadalika, leur sang il est sacré, tu n'as pas le droit de les toucher. Tu n'as pas le droit de les toucher. Parce que ce n'est pas des harbiyoun, ce n'est pas des personnes qui luttent. Donc ça, c'était en gros ce que contenait le dars d'aujourd'hui. Donc c'est la même qaïda, c'est bara'atun al-asliya, connaître la nature des choses et la faire demeurer jusqu'à ce qu'un dalil vienne pour dévier cette nature de cette chose-là. Donc on avait pu voir la semaine dernière que la base des choses, de certaines choses, ou plutôt même la plupart des choses, c'est quoi? Al-hil wa tahara. Et là on a pu voir certaines choses qui sont dont la nature et l'origine de ces choses-là, c'est qu'elles sont haram. Et t'as pas le droit d'y adonner, que si jamais t'as un dalil qui prouve cela. Donc voici en quelques mots, ce que contient cette qaïda-là. Et inshallah tabaraka wa ta'ala, on poursuivra le cours. S'il y a des questions, inshallah, sinon on se contente de cela. Ta'ala, inshallah. Subhanaka wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah tabaraka wa ta'ala, inshallah subhanahu wa ta'ala, al-i'ana. Wa jazakumullahu khairan. وبارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.